L'Éternel est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bato, c'était des réfugiés en paix. Yombe ma casse à Samson. na mapinga na yeye basangani tobange lokote. Hallelujah. Yo boma mama wapi mbieni mimi.